Bon, déodorant glacé, 12 kilos, 20 douzaines fois 12, les 240 là. Ben, vous n'êtes mi coûté 225. Ce bon, hol, billon, de m'y gêne, le chaos, ben, mon motac, n'y a, gêne, mon coignet. Ben, vous n'êtes mi coûté 200, 225. 225. Légui, ñom so xolé tamit bagage yi nga xamanteni dafa xawa bari, soko mëne tamit xol no koy écouler par exemple en gros ci ñi ngi faral jëndé yor ci échantillon dem ñen masalan yi ni yor na ci kattan so ci soxla mëna la jaay nga tek ci ben prix bu ndaw bu bokk ak li ngay jaay dal di koy jaay parfois tamit pour mu gëna gaaw quoi, surtout lu jëm ci walu parce que déodorant peut-être du yaqku mais yeneen bagage yi nga xamanteni day bari peut-être yow di nga ci gëna xam lool di nga ci gëna xam li ma ci jublu daal barkaloo fi.